107e leçon. Montons à Paris. Jean-Michel décide d'aller à Paris en voiture. Il aime conduire sur l'autoroute et comme il n'y a pas trop de monde sur la route en semaine, il peut rouler tranquillement à 130 km à l'heure. Le couple quitte Vannes à 9h et arrive aux portes de la capitale à 15h pile, à l'heure pour le rendez-vous avec l'agent immobilier. L'immeuble est situé dans une petite rue calme, dans le 14e arrondissement. Voici les deux chambres. La cuisine est au fond du couloir. Les WC sont à gauche, avec la salle de bain juste à côté. Comme vous voyez, le living est assez grand, avec une belle vue. Qu'en pensez-vous ? Ça nous plaît assez, mais il faut que nous en discutions, mon mari et moi. Si vous le permettez, nous vous rappellerons vers 17h30. Si vous voulez. Mais ne perdez pas trop de temps. J'ai d'autres personnes qui sont intéressées. Jean-Michel et Claude trouvent un café et s'installent à une table. Monsieur, dame. Un thé au lait et un café, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je l'aime bien. Moi aussi. Mais on devrait en voir plusieurs, non ? On n'a tout simplement pas le temps. Regarde, c'est pratique pour le boulot, l'endroit est sympa et le loyer est raisonnable. Je suppose que tu as raison. Allez, c'est décidé. On le prend. Le thé, c'est pour ? Pour madame. Tenez, je vous règle tout de suite. Exercice. J'aime conduire sur l'autoroute parce que je peux rouler à 130. Les toilettes sont au fond du couloir, à gauche. Ne perds pas trop de temps. On a rendez-vous à 9h pile. Monsieur, dame. Un café pour moi et un thé au lait pour ma femme. Qu'en penses-tu ? L'endroit est sympa.